maintenant, c'est l'invité explosif. Bon, Faustine, t'as plein d'infos, t'as plein d'actu. T'as plein d'infos, pardon, excuse-moi. Mais oui. Excuse-moi, je croyais que t'étais journaliste. Pas du tout. T'as plein d'actu. On peut te retrouver déjà au théâtre. Oui, tout à fait. Dans une pièce actuellement qui s'appelle Blondie et Brunette au théâtre Le Proscenium tous les dimanche là. Et puis ensuite ce sera les vendredis soirs. Et puis dans quelques temps aussi ce sera toujours au théâtre du Proscenium et ce sera une pièce qui s'appelle Meurtre à Cripple Creek. Une comédie, tout à fait. J'ai vu que tu étais à Avignon aussi. Oui. Tu seras à Avignon, pardon. Oui, ce sera mon premier Avignon. Je suis ravie. Tu vas jouer où? Le théâtre du Rouge-Gorge, pardon. D'accord. Ouais, avec un spectacle pour enfants. Donc, qui s'appelle Hercule dans une histoire à la grecque. Ça vient de loin, je ne savais même plus mon titre. Et demain, tu es en concert, j'ai vu, au Café Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis en concert au Café Pierre, donc c'est dans le 12e. Je vais y chanter mes chansons dans un premier temps, et après on va faire une espèce de, comment dire, de café chantant. Donc je vais donner des petits livrets avec des paroles, et puis tout le monde va pouvoir chanter avec nous. Voilà. Chouette, super chouette, Cannes. Comme à la messe. Non, c'est plutôt chiant, la messe, pardon. Il y a des gens qui vont à Pâques. Je peux poser une question à Faustine. Parce que je vois que tu vas chanter donc dimanche. Je veux savoir, c'est pas dimanche, c'est ça? Je veux savoir si Faustine pond à Pâques. Oh là là, je suis désolé. Voilà, ça aurait mérité un Je sors tout de suite, Faustine. Jean-Paul, passe pas par là. Non, pas par la fenêtre, Jean-Paul. Moi, je voulais savoir, Faustine, si en mai tu faisais le pont. Ouais. C'est bien parce que tu sais que les gens comprennent pas la vanne parce qu'on a annoncé juste Faustine. Bah oui. Ah, on a pas ça. Faustine Pont. Voilà. Alors, Faustine s'appelle Faustine Pont. Et bah voilà. Voilà. Et tu es la première personne qui me fait cette blague. Évidemment. Je me doute bien. Et tu es venue avec une chanson, je crois, dans tes bagages. Oui, avec une petite chanson qui s'appelle Où es-tu? Bah, je suis là. Aïe. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est une chanson que donc j'ai écrite et composée avec un guitariste. Et on est en train d'enregistrer un EP là actuellement et elle fait partie de l'EP. Donc c'est pas la version définitive. Là on est trois, guitare, violon, voix. Et voilà, c'est un premier petit enregistrement. Qui sortira en avril, mais. Oui, tout à fait. Oui, juste pour les vieux comme moi, c'est quoi un EP? Un EP, c'est un petit album. D'accord. Généralement, c'est un petit album de 4 ou 5 titres. D'accord, très voilà. Bien. Merci. Merci Faustine. On écoute Où es-tu? Je te cherche partout, dans les dédales sombres, dans les blancs labyrinthes des jardins andalous. Je te cherche partout. Gronde, rentre vite, luciole, et ressort tes joujoux. Je te cherche partout, dans le fond des rivières, où viennent se mirer les soleils du mois d'août. Je te cherche partout, au-delà des frontières. Je t'ai laissé filer, sauvageonne à froufrou. Mais où es-tu passé? Où sont tes farandoles qui faisaient de ma vie un conte merveilleux? Ronge doucement, m'étrangle peu à peu. Je te cherche partout et j'en deviens malade. T'irai seul au soleil, j'en crève, je l'avoue. Je te cherche partout, les tempêtes de sable ont brûlé mes yeux noirs, m'ont roulé dans la boue. Rappelle-toi, gamine, de tes passions brûlantes. Tu aurais pu mourir pour ces hommes aux yeux fous. Rappelle-toi, petite. Tu filais sur les routes, la tête dans les nuages, les pieds dans la gadoue. Mais où es-tu passé? Où sont tes farandoles qui faisaient de ma vie un conte merveilleux? Mais où es-tu passé? Ce foutu mal de vivre me ronge doucement, m'étrangle peu à peu. Dans les dédales sombres, dans les blancs labyrinthes, des